RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin, du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir, monsieur Scream, petit Sacha. Bonsoir, petite Valérie. tout le monde est petit, tout le monde est petit. Voilà, ouais. Je t'ai pas dit bonsoir, mon petit Scream, hein, encore. Non. Tu pourrais dire mon large Scream, je comprendrais mieux. Je me permettrai pas. Alors, en forme? Oui. Week-end bien passé? Bon, écoute, j'ai rien fait d'extra. Ouais. Repos, un week-end repos, je veux dire. Ouais, j'ai pas été un film pour en finir, ça faisait un peu loin. Un peu loin, hein. Bah quand même, puis j'étais fatiguée, et donc puis j'ai trouvé personne pour venir avec moi, tout le monde était tapis. Et oui, et toi, Sacheur, ça a été ton week-end? Ah oui, excellent. Repos aussi. Ouais. Et on va un peu vous spoiler un petit peu des choses, hein. Nous avons un petit peu avancé, l'équipe de Rive d'Enfer, pour une future surprise. Une surprise, Rive d'Enfer, voilà. On verra, on n'en parle pas plus. Donc aujourd'hui, plein de nouveautés. Tu es venu avec du son aussi, comme d'habitude, Sylval. Tout à fait. Avec ta Sylval Song aussi. Ouais, un son qui va faire plaisir, je pense. Le slasher avec ta slasher Song. Voilà, et plein de nouveautés. Et j'en ai une, je ne vais pas dire quoi. Je vais demander au slasher de, comme on dit en anglais, shut your face, de se taire carrément. Car c'est un truc qui va te botter le cul. Je n'en dis pas plus, mais attention, tu vas avoir mal aux fesses. Oui. Voilà. Une étude en cours de... Même moi, quand j'ai programmé ça hier, je fais « Waouh, ça fait mal ». Alors, on va d'abord écouter Black Magic 6. J'avais peur quand j'ai vu la cover, la pochette, où j'ai dit « Waouh, on va encore passer sur du black metal », parce que le dessin faisait vraiment penser à un black metal, mais c'est vraiment pas ça du tout. Le titre que je vais vous passer, c'est Red Cloud. Il est d'ailleurs sur la page Rive d'Enfer, la pochette. Et après, on va s'écouter Crystal Ball, mais ça, je reviendrai après pour vous le présenter. On va d'abord s'écouter donc Black Magics, et puis après, on se retrouve tout de suite après donc avec un autre titre. Close behind, to another side. I won't look back, just roll down the narrow street. I won't say I'm sorry, not here to whine about. My home is not down here. Run away, find something else. Can't fade out, no need for hiding. Heavy red cloud, it will put you down, down, now, put you down now. Can't fade out, no need for hiding. Heavy red cloud, it will put you down, down, now, put you down and out. Thank you. Alors Slasher, qu'est-ce que tu penses de ce morceau comme ça Moi j'aime bien. C'est bien, hein, c'est un, oui. Moi ça me fait penser un peu du psyché comme ça, oui. Les années 70. Ouais, ça fait un peu les années 70. Voilà, l'époque. L'ambiance. Pas de def, ouais. Déjà pas de def. Les flowers, comme on disait, c'était les Mayflower. Et les Black Sabbath et compagnie. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser que ce sera un peu dans la surprise, un petit peu ça aussi. Hein. Surprise. Bah, on va pas en dire trop. Allez, on poursuit avec Crystal Ball, avec Director Cuts. Généralement, c'est plutôt ce qu'on voit dans les Dolly films. Un Director Cut, c'est des continuités de films beaucoup plus longues. Mais bon, c'est pas ça, c'est un titre qu'on va s'écouter. C'est extrait de l'album Déjà. Et non, pas déjà vu, mais déjà voodoo, déjà voodoo. Ah. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui sont déjà connectées sur la page Rive d'Enfer. Ça nous fait plaisir. Coucou à Agnès, coucou à John. Coucou à Laurence, elle va se reconnaître. Voilà, Laurence, on te fait un coucou. Je ne te connais pas, mais je te fais un coucou. Allez, Director Cuts, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est le titre du Crystal Balls. Reflect the neon light. Waouh, ça joue, hein. Ça envoie ouais, ça du lourd. Bien, voilà. Et oui, donc c'était tout simplement Crystal Ball avec Director Cut. Director Cut. Alors, on va encore entendre un petit peu pour vous parler un petit peu du concert qu'on a été vivre mardi. Voilà. Oui. On va pas vous dire, vous avez tout ce que nous avons été voir. Avenged Sevenfold, avec Disturb et Chevelle. Ouais, c'était bien ça. Ouais, Chevelle, j'ai bien aimé. Mmh, voilà. Un peu court le set. Ouais, vous êtes trois groupes, hein, c'est quand même beaucoup. Ouais. Hein. Oui. Et puis j'ai remarqué aussi, mais ça j'en parlerai un petit peu après, qu'en France on est limité un petit peu quand il y a un concert par les temps, les timings. Généralement, ils sont. On dirait que. Ouais, vous devez... Ça doit être closette pour minuit, à mon avis. À mon avis, c'est sûr et certain. Bah, déjà, quand tu vois les bars aux Indies, ils étaient fermés assez tôt. Ah ouais. Ouais. Alors tu. Tu vas nous présenter quoi aujourd'hui, la première chanson. Alors je vais te présenter le groupe Born Again, oui. Avec le titre Strike with a Power. Donc c'est un groupe français. Voilà. Et ça, apparemment, tu m'as dit que ça envoyait du lourd. Tout et à fait. Je te fais confiance sur ce tu sujet-là. Ça, c'est tout à fait notre style. Ah, tout à fait, je crois. Tout quand à si fait. Tu si, c'est... Voilà. J'ai un peu mal à la gorge, bah oui, il fait froid, hein. Que voulez-vous? Allez, donc je te laisse annoncer ton titre et on alors, se retrouve. C'est Born Again, Strike with Power. Raise my hands, praise. véritable claque. Ben là, je te remercie pour ce son. Il y a une voix phénoménale. On n'a pas l'habitude. Enfin, on n'a pas l'habitude. Mm-hmm. Ça sort un peu de l'originalité. Ouais. Tu vois. Et ben, c'est pas. C'est une voix qui sort de l'ordinaire, quoi. À chaque fois, tu nous montres, tu nous fais découvrir des choses qu'on reste un peu sur le cul. Voilà, et ça fait du bien. Donc, c'était qui ? Je fais de mon mieux. Ouais. C'était qui ? Donc, c'est Born Again. Donc, oui. C'est une nouveauté. Avec le titre Strike with a Power. Ouais. Voilà. Et comme tu m'as dit, c'était français. Oui, tout à fait. Voilà, bah, on va essayer de faire son on possible. Aura peut-être, on va peut-être essayer de faire un phoneur avec eux. Ouais, on va essayer de rechercher tout ça. Ouais. J'ai confiance en notre détective Facebook. On en a deux. On a les inspecteurs gadgets. Alors. Ouais. Oui. Alors, le slasher, tu nous as choisi quoi pour ta slasher song? Alors, j'ai choisi un groupe que vous devez connaître. Hein. C'est le groupe Hammerfall. Ah oui. Un excellent groupe d'ailleurs, qui nous vient de Suède. Encore ? Oui. Oui. Oui, Sweden. C'est du power heavy metal, fatalement, ouais. Qui nous vient justement de Suède, qui était formé en 1993, donc en Suède, comme je le disais. Donc, dans les membres, il y a Joachim Kanz au chant. Oscar Jonak à la guitare et au chœur, Pontus Norgren. Pontus, c'est quand même un nom spécial. Hein. Ouais. Vous en pensez quoi du nom Pontus ? Moi j'aime bien, ça fait bah, pont et tus. Pontus, il y en a un qui s'appelle comme ça, des Pontus. C'est l'ancien guitariste de chez Poodles. Ouais, c'est Poodles. Que je recherche son nom ouais. Ou son prénom, parce que je sais pas si Pontus c'est le nom de prénom. Ça doit être le nom de famille. Ouais. C'est Pontus comment ? Pontus Norgren. Ouais, donc c'est Pontus, c'est sûrement un prénom à mon avis. Ouais. C'est un péton, un péton moi. C'est un péton prénom, à mon avis, recherché là-bas quoi. Je vais le retrouver dessus. Mm. Donc Pontus à la guitare, Frédéric Larsson à la basse et au chœur, Jeannette Koblen à la batterie, et ben voilà les membres. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est No Sacrifice, No Victory. De l'album qui est sorti en 2009. Oui. Et pourquoi j'ai choisi Hammerfall ? Parce que tout simplement, on parlait, je sais pas pourquoi, de goodies metal. Oui. Scream et moi, je fais. On n'a plus la tête du camion. Mm-hmm. Quelle tête du camion ? Et on avait en fait. On a un petit jouet Hammerfall, une tête de camion. C'est marrant. Eh bien, cette petite tête, comme ça tu en parles, c'est parce qu'avec avec maman, on avait été voir Hammerfall, qui faisait la première partie à l'époque de Stratovarius au Splendid, et ils vendaient des camions Hammerfall, et on se dit, on est un petit garçon, on ne savait pas qu'il allait aimer le métal, et on lui achetait un petit camion, voilà. Mmh. Et ce qui était marrant, c'est que je me souviens du concert, ils avaient tellement des chaînes sur leurs vêtements, que quand ils marchaient sur scène et qu'il n'y avait pas de son, qu'ils ne jouaient pas, on entendait « schling, schling, schling », ça c'est marrant quoi. Allez, je te laisse annoncer ton titre slasher. Donc c'est Hammerfall avec Any avec No Sacrifice No Victory. Alors c'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là on va s'écouter ma slasher song. To make me come alive. Voilà. Donc, on va laisser terminer tout doucement. C'était quoi? Donc, c'était Hammer Fall avec le titre Any Means Necessary. Voilà, et on en profite parce qu'on a aussi des Lersois qui nous écoutent. Voilà, on leur fait un petit coucou et voilà, ça fait plaisir. On réveille un petit peu les oreilles pour certains et ça nous fait vraiment plaisir. Oui, moi, j'en profite pour faire un gros bisou à Linda. Linda, non, c'est pas Linda Lemay, hein. Non, non, non, elle nous écoute pas. Ah, quoi bisous, que, quoi que. Bisous à papy. Voilà, et le slasher faisant. Allez, maintenant, on fait des bisous partout. Ça va devenir riff d'enfer dédicace. Non, on va quand même pas faire ça. Alors, le prochain, bah, c'est franchement une tuerie. Je peux dire que ça, c'est vraiment une tuerie. On a reçu ça, bah, c'est tout frais. On l'a reçu, si mes souvenirs sont bons, jeudi. Et en préparant l'émission, j'ai écouté ça, je dis waouh, il y en a deux qui vont tomber sur le cul, qui vont aimer. Oui. Ils vont demander, quand est-ce... j'en suis sûr que quand la musique va passer, on va me demander quand est-ce que ça tourne, quand est-ce que l'album sort. J'en suis sûr et certain, je peux déjà dire, il tourne, mais pas par chez nous. Oh. Et je vais vous faire écouter, puis après je vous présenterai ce groupe. Et voilà. Allez, on va d'abord s'écouter ceci, et puis après on se retrouve avec le groupe que je vais vous présenter. Hello, this is Udo from Emergency Gate and you're listening to Radio RQC 95 FM, Riff d'Enfer, The Scream is your moderator. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, moi j'ai bien aimé. C'est sûr que dès que ça a chanté, je t'ai dit c'est du chant allemand. J'ai reconnu direct. Et oui. Et ben, bah oui, voilà, c'est allemand. Le groupe s'appelle Stahlhammann. Et le titre, c'était Bastard, comme il le répète plusieurs fois. Hein. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une grosse similitude quand même. Une grosse... Enfin, ils essayent plutôt de le plagier un petit peu. Rammstein, question, je parle de... Vêtements et maquillage. On a eu la pochette fort... comme s'il s'était recouvert de... d'argent et tout ça, comme à un moment donné, Rammstein faisait sur la pochette, je crois, si mes souvenirs sont bons, Mutter. Mudder, oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, bon, ça reste de l'indus. Malheureusement, comme je vous disais, ils font une tournée, on va dire, allemande. Ça passe par Cologne, Munich, Düsseldorf, Stuttgart. C'est pas loin, hein, Düsseldorf. Ouais. Maintenant, il faut voir les dates. Moi, j'ai eu des dates comme ça. Mais ils passent un peu partout. Et voilà. Donc, retenez bien ce groupe. On attend l'album avec impatience. C'est Stallman avec le titre Bastard. Le prochain, c'est Eruption avec le titre Drone. L'album s'appelle Clock of Obelisk. Nouveauté aussi, après on retrouvera encore une song de Sylvain. Tout à fait. Voilà. Et après on vous parlera de notre soirée de mardi dernier qui était pas mal, voilà, on va dire pas mal pour certains, bien pour d'autres, mm-hmm. Et pour d'autres, on plonge dans un bain un petit peu différent, je vous expliquerai. On a tous des avis différents et c'est ça qui est assez marrant dans Rive d'Enfer. Ça décoiffe quand même, c'était le titre, le groupe Eruption avec Drone. Donc juste avant de retrouver un peu ce qui nous est arrivé mardi, excusez-moi, oui. Je vais tousser là. Non, ça va, c'est passé. J'en profite, je fais coin-coin parce qu'on nous appelle les canards, ouais. On fait bouon, coucou. Tu as bien mieux maintenant, les canards. Les canards. El Canardo. Les canards. El Canardo. Mais les canards vont à la mare, c'est le dimanche, week-end, de 20h à 22h avec Rico et Maud. Donc voilà, si tu veux écouter, c'est le 20h à 22h le dimanche. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou du côté de Charleroi à Painkiller. Qui nous écoute avec Jeune. Alors, ben, mardi, nous avons été voir Sidval, le slasher et moi-même, Avenged, enfin, on va prendre dans l'ordre, Shevel, Disturb et Avenged Sevenfold. Donc voilà, c'est marrant parce qu'on a tous aimé un groupe différent, pratiquement. Oui. Voilà. Non, pas vraiment, je trouve pas. Moi aussi, tu trouves, toi ? Moi, j'ai bien aimé tous. Lui, il a bien aimé tous. Ouais, moi, j'en ai aimé... Enfin, moi, personnellement, je vais me faire moi, peut-être tuer. Moi, j'ai bien aimé Disturb. Ah, moi, moi c'est mon coup de cœur, c'est Disturb, ça, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, on va... De toute façon, ce qu'on va faire... On n'a pas sa langue de bois ici dans Rive d'Enfer. On va dire chacun ce qu'on a ressenti. Et honneur aux dames, donc on va laisser commencer. Ça y est, par moi. Par toi, oh. Vas-y, allez. Alors, j'avoue, moi, le premier groupe, c'était Cheval. Cheval. C'était très bien, mais court. Bon, comme tu m'as dit, il y avait trois groupes. Hein. Mais franchement, j'ai bien aimé. Mm-hmm. Premier groupe, il était génial. Deuxième groupe, Disturb, ben, moi, j'ai adoré. Perso, ouais. J'ai adoré. Avenged, j'ai bien aimé. Ouais. Je suis vachement motivée, moi. J'ai bien aimé, ouais. J'ai trouvé que c'était un peu long. Non. Je suis honnête en le disant. Ça m'a vite saoulée, comme on dit. Voilà. Bon, par contre, au niveau décor, j'ai adoré. Franchement, le décor, la mise en scène, tout ça, c'était génial. Il participait bien avec son public. Je trouve ça important, moi, ça. Ah ouais. Moi, j'aime bien. C'est important. Disturb aussi, hein, il participait bien, le gars. Tout à fait. David, le chanteur. David. Mmh. Ouais, je connais. Je connais. On connaît. Mais non, moi j'ai préféré Disturb. De toute façon, c'est clair, net et précis. Même au niveau de la voix et ainsi de suite, j'ai préféré Disturb. Puis Avenged, ça a été dommage, c'est qu'ils ont eu un très mauvais son. Je sais pas si les gens s'en sont rendus compte vraiment, mais j'ai eu plusieurs messages ce week-end en plus en me disant c'est une idée ou quoi. Non, c'était pas une idée. Enfin, moi. J'expliquerai pourquoi moi, mais c'est différent. J'expliquerai pourquoi après, quoi. Oui, bah, je me doute. Ouais. Hein. Voilà, donc, mais en fait, je vais te laisser raconter ta version. Ouais. Moi, personnellement, je m'en fous un peu, ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu toujours les mêmes chansons, quoi. C'est oui, ça. C'était répétitif. Le même rimt, voilà, ouais. Ça change pas trop. Mmh. Ok. Le slasher. Oui. Donc, moi, mon coup de cœur, ça reste quand même Disturbed. Je crois qu'on est un peu tous d'accord dessus, non? Oui, bah c'est, bah oui, c'est ce là, qu'on j'ai dit, encore hein. Quelqu'un qui me dit, ma petite Kathleen, là, qu'elle me dit bah oui, qu'elle a bien aimé Disturb aussi. Hein. Bon, après, chacun a ses goûts et ses couleurs, oui, hein, c'est ce que je dis toujours. Hein. Attention, je dis pas, j'aime pas. J'ai bien aimé, mais bon, voilà tout. Quoi. Mais Kathleen, aurait pu, qui était là, hein, parce qu'elle y était aussi, elle aurait pu venir nous en parler, elle était là, donc c'est un avis différent de nous, peut-être aussi. Hein. Elle aurait pu venir nous en parler, mais voilà. Alors, le slasher. Donc, Cheval, moi j'ai bien aimé, ça avait des bonnes sonorités, le son était bon, mais c'était encore une fois trop court. Ouais. Franchement, Cheval, c'est vraiment bien, c'est un bon groupe américain justement. Bah, c'était tous des groupes américains en fait. Après, il y avait Disturbed, c'était bien, il y avait de la pyrotechnie, des effets pyrotechniques, il y avait aussi des fumigènes, etc. Et puis, il a une super voix, lui. Ah oui. Oh il interagissait, je trouve, plus avec le public qu'avec les deux autres groupes. Oui. Ils ont aussi fait amener un orchestre philharmonique. Non, ils ont pris quelques oui, éléments. Quelques, voilà. Mais ils ont fait une session acoustique. Et j'ai vraiment adoré. Et justement, aussi la partie où ils ont fait la chanson Lights, où ils allumaient, tout le public allumait ses lumières. Ça, j'ai vraiment non. Bien aimé. Rectifie. Tu n'as pas connu parce que tu es jeune, toi tu es de la génération smartphone. Oui, donc bah, tout le monde allumait ses lampes de poche. Il y avait quand même des briquets, Avant, nous on allumait nos briquets. Et ce qui était marrant, c'est que tu voyais des briquets à l'époque, comme ça, qui se balançaient. On n'en voit plus. Et puis après, tu faisais. Il y en avait quelques-uns. Et ça se lâchait, tu voyais les lampes qui s'éteignaient. Moi, je me souviens que j'ai été voir un concert et c'était le moment du slow. Tout le monde allumait ses briquets avant, mais ça c'était avant. Tu me diras. Mais maintenant, on se brûlait encore avec des briquets, tu te rappelles? Ouais. On se brûlait avec les briquets, ouais, même maintenant. Maintenant, ils ne se brûlent plus. Bien, non Ouais, c'est juste. Les lampes torches, ouais, des téléphones, je les vois plus, il y a qu'à ce concert-là. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'était l'ambiance. Et l'ambiance, une bonne ambiance. Ouais. Les gradins se sont levés, un nom d'un chien. Sous la demande de David. Non, même, oui, avec David, oui. Mais avec Avenged Sevenfold, mm-hmm, ils se sont levés, les gens. Mm-hmm. C'est hyper rare de voir ça. Ouais. Alors, et puis le slasher, c'est tout? Et Avenged, j'ai bien aimé, mais après c'était on va dire un peu gonflant. Et il y avait en plus un petit peu des minettes qui pétaient un plomb justement pour Avenged Sevenfold. Ouais, mais bon, ça c'est le délire aussi du public. Hein. Oui, oui. Ouais. Après, plus, quand moi, je suis une femme, alors c'est ce que je vais défendre. Oui, mais oui. Bon, il faut pas oublier que quand Ark Enemy arrive, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils prennent des photos. Oui. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils prennent des photos, c'est tout. Ils font rien du tout. Hein. Bon, pour ma part... Il y en a qui sont même 4 yeux. Ouais. Non, moi j'en ai eu 6 ou 8. Avec Spider-Man. Pour ma part, Cheval, j'ai un goût de trop peu. J'aurais bien aimé encore 2-3 chansons de plus. Ça jouait très bien. Très très bien. Rien à dire sur ça. Disturb, comparé à des échos, parce que malheureusement nous n'étions pas cette année... Rive d'Enfer n'était pas pour de problèmes techniques au Hellfest, mais j'ai plein de potos, je leur fais un coucou aussi, hein, François et tout ça, qui se reconnaîtront. Ils m'ont dit, waouh, ma claque. Disturb, c'était de la merde au Hellfest, question son et tout ça. Là, j'en ai pris plein la gueule, et ça méritait de jouer en tête d'affiche. Donc déjà, moi j'ai bien aimé David qui a mis le public dans sa poche, les musicos super sympas, ils jouaient, ils étaient là pour jouer mais se faire plaisir. Ouais. Ça c'est ce qu'on remarque aussi dans un groupe, on vient pas que prendre son pognon, on joue pour se faire plaisir en se faisant des petites tout vannes. On rigole et tout ça. Même d'autres groupes que j'ai vus malheureusement maintenant à l'époque, je peux citer Queensryche, on les voit maintenant, ils viennent. C'est comme si on les mettait debout à leur place, on joue, oui, on prend notre pognon et on repart, c'est malheureux. Disturb, ils sont là, ils font la fête, ils s'éclatent, et comme tu disais, pyrotechnie, flamme, et c'était génial. Après, on a eu l'occasion de... Donc, tout ça, ça a été shooté. On a eu l'occasion après de pouvoir faire donc, Avenged Sevenfold. Déjà là, nous, on a eu un petit speech du manager, mec ouais, assez grand baraqué, moi, black. Moi, je peux pas le voir. Je suis hein? avec le public, donc je vois pas ouais, ce qui se passe. Donc, il est venu nous appeler. Il nous a compté en tant que photographe. Oui, vous pouvez pas poser vos bras ni vos mains sur la scène, car ça va le déranger. Déjà, moi, j'entends ça. J'ai envie de lui dire, écoute, rentre chez toi, quoi, tu vois. Et puis après... Mais le déranger en quoi, c'est ça que je comprends mais pas. Mais non, ça pouvait le déranger. Ce qu'il devait regarder où il mettait ses mains, tout ça, où il mettait ses pieds, plutôt, parce que ses mains, il marchera à pied. Voyez, avec les pieds. Il est passé à quatre pattes. Ouais, donc voilà. Le coquin. Et alors, quand le groupe est arrivé sur scène, ce qui moi m'a vraiment dérangé, c'est que j'ai connu des. Et oui, j'avoue, j'ai connu des boys bands. Mm-hmm. Et sincèrement, j'avais l'impression de me retrouver carrément dans un public de boys bands, des nanas ou des mecs même hystériques quand Avenged Sevenfold est arrivé. Les deux, trois premières chansons, nous en tant que devant la scène, je peux pas dire que le son était mauvais parce qu'on a les gros caissons de basse qui viennent. Nous pomper, je veux dire, nous donner toute la purée qu'ils envoient, ouais, donc nous, on le sent pas, quoi. Pas bien, ouais. Par contre, j'ai constaté quand je t'ai rejoint. Ouais. Quand je t'ai rejoint, j'ai constaté que le son était vraiment pas terrible du tout, mais j'entendais même pas le chanteur, pour te dire que le public était tellement hystérique qu'il chantait. Je dis, waouh, c'est un boys band, et on s'est retrouvé avec des copains, on s'est dit, on est dans un boys band, quoi, tu vois. Voilà. Pour te dire, même moi, j'étais dans la fosse au début, et après j'ai été rejoindre Sylval dans les gradins, et au début, j'ai dit à une fille, arrête un peu, je regardais le concert, j'écoutais, j'entendais que des cris dans mon oreille. Ça va, dans tes deux oreilles, t'en as encore deux. Non, une, oui, mais... Enfin, voilà, mais sinon, franchement, une très bonne ambiance, ah, oui, bon enfant, voilà, bon enfant. Les changements de décor, les changements de décor étaient bien. Les changements de décor étaient bien. Et ce que tu n'as peut-être pas vu, nous on a pu le voir en étant en bas, c'est qu'à un moment donné, quand le gros cube arrive devant la scène, qui s'avance, derrière c'est un gros cosmonaute qui est dessiné. Oui, j'ai pas vu que c'est un cosmonaute. De loin, on aurait dit le Bibadam Chamallow de SOS Fantôme. C'était peut-être ça aussi, il tournait peut-être Ghostbuster numéro 2017. Il y avait, version. succube devant. Donc je voyais que les jambes. Donc je te dis, de loin, ça tapait un fou rire en plus à ce moment-là. Puis j'étais assise toute seule. Et je me suis dit, tiens, il y a le Bib Adam Chamallow. Oh, il... va-t-il exploser? Voilà, donc c'était un peu notre chronique sur. Avengers Sevenfold. Ah, voilà. Il y a la maman de Connor qui lui fait un coucou. Voilà, on fait un petit coucou. Hein. Coucou. Voilà. Alors, on poursuit donc avec ton troisième titre. Ce que tu as choisi, c'est. Alors moi, je. Oui, on voilà, est à. Je suis partie encore. Donc c'est Death or Glory. Donc c'est le titre Sacred Killer. C'est encore un groupe français. Eh ben, il y a beaucoup et l'album s'appelle ce que tu m'as dit, Death Without Glory. Voilà, ah, écoute, j'ai oublié de noter le titre. Ça fait reste parce que je le vois quand tu m'as donné sur ta clé, il n'y a pas de souci. Le titre du groupe, c'est Death or Glory. Ouais. Et le single, si je peux dire ça, c'est Sacred Killer. Voilà, c'est un groupe français. Encore. Comme quoi, il y a du bon. Il y a des sacrés. Il y a du bon dans l'Hexagone. Voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite après. Three, don't walk, misery. Alors, c'était qui, Sylvelle? C'était qui, c'était quoi? C'était Death or Glory avec le titre Sacred Killer. Donc, c'est un groupe français. Ça joue bien aussi. Ça, ça joue bien. Ça dépote. Hein. Oui. Ça dépote. Et on écoute aussi de Roubaix. Donc, bonjour, maman, Roberto. Et bonjour, Roubaix, tout simplement, parce qu'on sait bien qu'on nous écoute un peu partout. Oui, hein. Oui, oui, Charleroi, Liège, l'Argentine, les États-Unis, le Japon. Le Japon. Partout, je vais faire partout. Un petit coucou à Coralie, Céline, Waken, Fred, Kathleen. Everybody's. Voilà. Kathleen qui nous dit qu'elle sera aussi au concert de Deep Purple, n'oubliez pas, oui, c'est voilà. Le 1er Deep juin. Deep Purple, le 1er juin au Zénith de Lille. Ouais. Et 15 jours plus tard, ils sont au Hellfest. Tout à fait. Voilà, et donc oui. Si vous avez l'occasion, vous allez voir les deux. Moi, je vous conseille quand même plus de faire le Zénith. Le son est beaucoup plus appréciable qu'en festival. Voilà. Et aussi, on vous rappelle que le 6 avril, gros concert au Splendide à oui. Lille, et surtout un concert à ne pas manquer du tout, c'est Elie. Oui, oui. Elie. Groupe que j'ai eu l'occasion de voir. Ancien batteur de Pantera. C'est ça, oui. Et franchement, super gentil. Et allez voir ce concert, franchement, ça dégomme. Ouais, donc il y a deux sortes de places. Hein. Je rappelle aux gens, une place normale. Oui. Et vous avez des places VIP, si je ne me trompe pas, qui sont à 120 euros, ouais. Il me semble. Donc les places VIP, vous avez un accès VIP et une rencontre avec le groupe. Voilà. Qui n'est pas de 5 minutes. Quand c'est une place VIP, bon, vous les voyez à peu près une petite heure, je pense. C'est et ça. Vous pouvez faire tout dédicacé et toutes les photos que vous voulez. Voilà. Normalement. Non, quand c'est VIP, tu peux. Ça dépend. Saxon, tu te rappelles, Saxon, c'était dans le bar du Splendide. Ouais, mais tu peux faire des photos avec ah oui, tu, ah oui, t'as c'est banqué sûr. Ta place. Hein. Un surplus. Hein. Ouais. On verra bien. Nous, normalement, voilà. On a demandé l'interview. On verra bien. On espère d'avoir quand même réponse assez rapidement. Alors, le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est Asia, mm-hmm. avec le titre Soul Survivor. Pourquoi ? Parce qu'il vient de sortir un album chez Frontier Records qui s'appelle Symphonia Live in Bulgaria 2013. Oui, vous allez me dire, on est en 2017 et ça sort maintenant. Bah oui. Des fois, on reprend les albums, on les retravaille. Et Asia est un vieux, vieux groupe quand même. Hein, voilà. Bah comme Coroner hein, qui a sorti... un album live, ouais. Ouais, voilà. Je sais même pas, il est live, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est live. Ouais. Ouais, ça mais vient de sortir maintenant. Il y a plein de groupes comme ça qui sortent. Et puis, ils s'en font des albums. Et voilà. Et Asia est un grand, grand groupe. Maintenant, j'espère qu'ils vont continuer quand même. Car si on se souvient, Slasher, il y a le bassiste, ce chanteur, qui nous a quittés il y a un petit mois, pas plus, encore de la sale maladie. Hein, donc mm-hmm. Voilà, on espère qu'ils vont pouvoir se remettre sur les rails, on verra bien. Et on espère revoir Asia sur les planches assez rapidement. Là, on va s'écouter Soul Survivor et on se retrouve tout de suite après, les amis. superbe groupe progressif quand même, hein. Asia, Soul Survivor, oui. L'album s'appelle Symphonia, live in Bulgaria, 2013. Je suppose que c'est en Bulgarie. Yeah. Bah oui, yeah. Peut-être. Hein, Voilà. Ben, ça, c'est sûrement encore un groupe que tu vois que le slasher a mis sur sa liste de chasse. Ouais. Oui. Ah, oui. Et il vient de dire en bulgare. Dobrivetcher. Dobrivetcher. Et ça, c'est. Dobre. Ah, il parle bien quand même. Hein. Voilà. Oui. Mieux que moi. Alors, juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter en groupe. On va partir. Je vais annoncer les premières. Il y en a qui vont dire ouais, non, ils vont pas jouer ça. Tokyo. Non, pas Tokyo Hotel. Tokyo Motors Fist. Et l'album s'appelle Download. Et le titre, c'est Love My Insane. Love My Insane. Ah. C'est une véritable tuerie. La pochette, elle est bien. Ça fait penser à des rockers. Bien entendu, avec une Tokyo Motors. Donc, fatalement, on s'imagine les motards. Et c'est exactement oui. Ça. Ça joue pas mal. Donc, je vais pouvoir aller voir. D'après ce que je comprends, voir la description. Normalement, oui, mais encore une fois. Normalement, oui, c'est plus ta plus cam. C'est plus ma cam. Ta cam. Et c'est la cam un peu de tout le monde ici dans Rue d'Enfer, hein, c'est ça. Donc, on en profite aussi. On nous fait des petits coucous un peu partout. Et moi, je vais juste après, on va juste vous faire un petit concours juste avant la balade crapuleuse pour remporter un single de quoi, Connor ? Le slasher ? Je sais pas, Stop Stop. Stop. On va vous offrir un single de Stop Stop et on vous donnera on vous posera la question tout de suite après le Tokyo Motors Fist. Ça. Regret, good for each other, like a long. Alors Slasher, qu'est-ce que tu penses quand même de Tokyo Motor Fest? Bah j'aime bien. C'est bien, hein, ça bouge bien quand même. Oui. Hein. C'est le c'est titre, c'était. Bon. C'est du bon, on va dire un peu FM, hard rock. Ouais, rock. Tout à fait. C'était Love Me Insane, très très bon groupe quand même. Hein. Oui. Tu as pu voir découvrir la pochette aussi. Oui, oui, quand on a fait la programmation. Voilà. Il est l'heure de passer à la balade crapuleuse. Oui, oui, oui. Il est exactement 21h06. Alors nous, on va d'abord vous offrir un single de groupe... Du groupe... Stop. Bah. Voilà. Et un groupe que tu as... C'est un excellent groupe espagnol. On va dire de glam metal se rapprochant un peu à Steel Panther. Voilà. Et c'est toi qui a fait tes démarches pour pouvoir nous faire découvrir oui. ce groupe. Hein. Voilà. Tiens, s'il nous écoute ou il nous regarde, coucou à Stop et à Jacob Mofo. Jacob Mofo que tu as sympathisé avec, ce, oui, avec, oui. avec Jacob, qui oui. est le chanteur bassiste, c'est ça? Oui, le chanteur bassiste de Stop. Voilà. Donc, si vous voulez remporter, bah, c'est simple. Vous allez devoir nous répondre à une petite question qu'on va vous poser, soit en message privé, soit par message internet. Répondez pas sur la file d'actualité de la vidéo, parce que sinon oui, tout le monde... Pas en commentaire, parce que... Pas en commentaire, parce que tout le monde va voir la réponse, et là, on va pas pouvoir trancher. Donc, c'est plutôt par message privé, soit sur la page de Rives d'Enfer, soit par mail... Donc c'est rivesdenfer.rqc@gmail.com. Donc voilà, c'est simple, on va rester dans les bassistes. Jacob Mofo qui est le bassiste de... Stop. Et bien nous on va vous demander tout simplement le nom et prénom du bassiste chanteur décédé de Asia. Oui. Et vous nous envoyez ça en message privé et vous aurez droit donc à remporter le premier, bien entendu, à répondre, droit à remporter le single de Stop. Voilà, nous on s'écoute la balade crapuleuse, c'est Heavy Petting avec le titre Roméo, sorti en 1989. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Mais non. Fade away. I'm not in love, I'm a Romeo. Voilà, donc vous pouvez continuer à jouer, hein, parce que bon, on a une réponse, mais voilà, la réponse, la personne avait déjà remporté ce single, voilà. Ne nous en veut pas. Franchement, ce son, donc c'était Evie Pettin, hein, franchement, années 80, hein, c'était la balade, oh, c'était là, Roméo. Ça sent les années 80, moi. Ah oui, à plein nez. Ça me rappelle, tu vois, quand on mettait les vestes où on avait même des. Même les garçons avaient même des épaulettes, tu vois. Oh, je m'en souviens. Des épaulettes, les films où tu vois Sylvester Stallone qui joue dans Cobra, les premiers flics de Beverly Hills, le son années 80 est un son qui marquera toujours, même maintenant, qui marque toujours en 2017 et qui marquera toujours, j'en suis persuadé, en 2020, 2030 et 2040 même. Exactement. C'est un son qui a marqué. C'est pas le son de maintenant qui marquera autant, j'en suis sûr. Alors, on continue avec encore un de tes titres. Je vais continuer avec une nouveauté au niveau album-titre. Par contre, le groupe, il est assez connu, c'est Bonafide. Ah. Ils étaient il y a 2 ans au Rhymefest avec Gotthard, il me semble. C'est cela, oui. Et donc, c'est le titre Smoke and Fire. Tu devais dire quelque chose ? Non, mais oui, on les avait vus au Rhymefest. Ils ont fait une prestation monstrueuse. Ouais. Monstrueuse. Ouais, donc, c'est un groupe suédois. Donc, qui sont super sympas. Ouais, ils sont sympas. Hein. Je croyais qu'il allait dire qu'ils sont suédois. Oui, ils sont suédois, c'est vrai en plus. Hein. On confirme, ils sont de Suède. Et en Suède, on est suédois. Mais ça pourrait être aussi bien un groupe suédois qui avait été formé en Suède et qui dit maintenant. Il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne d'origine de Suède. Hein, ça peut arriver. Oui, tout à fait. Exactement. Ouais. En parlant justement du Rhymefest, on va un petit peu préciser que cette année, changement de date, ce n'est plus le vendredi et samedi, ce sera samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Oui. Et il y a des gens qui ont déjà demandé à l'organisateur, oui, mais le dimanche, est-ce que ça finira tard ? Ils disent que non, ça ne finira pas si tard que le samedi. Je ne sais pas, on verra bien. Non, c'est ce qu'il a dit. Bon, moi j'attends, il y a normalement, ils sont en pourparlers, je vais m'avancer un petit peu, parce que c'est en pourparlers, hein, c'est pas encore sûr, mais il y a... Et si c'est pas signé, tu peux pas le dire. Si c'est pas tu signé, je peux pas le dire. Cul, encore une fois. Non, mais c'est marqué sur Facebook, donc je vais le dire parce que c'est marqué. C'est marqué sur Facebook, allons-y. C'est marqué dans une file de conversation, donc tous ceux qui sont sur la page Rhymefest ont pu la lire. Normalement, il aimerait peut-être bien, d'avoir Saga. Et franchement, c'est un groupe, s'ils passent, allez-y, car ils arrêtent. Ouais. Et on a eu l'occasion de les voir à plusieurs reprises. Et franchement, c'est du prog, mais ça joue. C'est une claque. Et c'est un groupe qui existe depuis 1977, donc 77. Donc, beaucoup d'années de carrière, et ça joue. Voilà. J'espère qu'ils feront... Ils passeront par le Rhymefest. Et s'ils ne passent pas par le Rhymefest, comme c'est la tournée d'adieu, une semaine avant, ils sont en Italie, donc peut-être qu'ils passeraient peut-être dans le nord de la France. Voilà. C'était peut-être en France ou Belgique, on n'est pas trop Belgique, loin. Voilà. Hein. Mais Saga, il faut les voir. Si et vous donc jamais... la tête d'affiche, c'est UFO ou non ? Il y a UFO qui est déjà... Mais c'est pas la tête d'affiche. Je ne sais pas si c'est la tête d'affiche. Je ne sais pas, je n'ai pas bien vu, tu sais. Je ne sais pas. Il y a Wolf Spirit. Ouais, c'est ça. Wolf Spirit, mais on sait pas encore. On n'a pas encore le running order exactement, quoi. D'accord. On verra bien. Allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors c'est Bonafide avec Smoke and Fire. Smoke and Fire. Non, ça c'est Smoke and the Water. Smoke and the Water. Allez, c'est parti. We'll be right back. Et ben encore une fois, Sylvain, ben on reste baba avec ton ouais, choix. C'est pas mal, hein. Bonafide. Donc c'était le titre Smoke and Fire. Ouais. Donc nouveauté. Ouais. Oui. Mais beaucoup de nouveautés, j'arrive à en faire, c'est que ça pratiquement. C'est que ça pratiquement, c'est vrai. À part généralement la Sylval, la Slasher Song ou la balade, c'est pratiquement que des nouveautés qu'on vous joue. Hein. C'est... Oui, exactement. Vous êtes gâtés les loulous. Hein. Et on se répète peut-être pas assez, et c'est peut-être pas des fois avec des groupes qui ont qu'un album qu'on vous joue. Il faut aller creuser un petit peu comme toi, tu fais, ou le Slasher, hein. Et vous voyez que des groupes ont une carrière derrière eux. Hein. Voilà, Bonafide, comme tu disais, ont quand même quelques références derrière eux. Bien sûr. Asia, ben c'est pareil. Ah oui, là c'est plus connu encore, je pense. Hein. Hammerfall, bon là, Slasher Song, mais ça c'était un vieux truc. Born Again, un groupe français, mais c'est bien aussi de faire jouer, comme tu dis, du régional ou même quand on peut jouer du local c'est encore mieux, mais même du pays ou quoi, ça fait du bien aussi de montrer qu'il faut pas aller chercher là-bas très loin, faut pas toujours aller chercher en Suède ce qu'on a ici, voilà, tout près. Alors tout le près. Prochain qu'on va s'écouter, c'est tout simplement Cult of Avon. C'est un peu spécial, j'adore l'artwork, il est superbe. Moi je vois bien ça pour une cover de film d'horreur, tu vois. Et alors là, c'est le titre, c'est The Dweller of the Woods. C'est extrait de l'album Lycanth Twilight Sorcery. Donc, Lycanth, tout simplement, c'est les loups-garous. Hein. Oui, voilà. Lycanth. Twilight, ben, vous savez ce que c'est, le Twilight. Hein. Oui. Et Sorcery, tout simplement. Sorcière. Voilà. Allez, on va s'écouter ça. C'est un peu spécial, mais j'aime bien. Et je veux offrir ça à nos amis qui nous écoutent. Les Cantiliens. Voilà, c'est pour eux, les amis qui nous écoutent, j'en suis sûr et certain. voilà, je vous l'avais dit, hein, c'est un peu spécial. C'est une bonne ambiance quand même, hein, une autre atmosphère quand même. C'est un peu l'atmosphère de Moonspell, mais pas la voix, on va dire, bof. La voix, ça se ressent pas... Il y a des petites choses qui se ressemblent pas vraiment à la voix du chanteur de Moonspell. Non, mais Fernando, il a un timbre de voix un peu spécial. Mmh. Ça fait peut-être partie du même style musical, c'est ouais. ça. Univers musical, ouais. voilà. Mais Fernando est un mec, il a un charisme quand on le voit sur scène. Ouais, il fait froid. Il fait froid et pourtant, c'est une crème, ouais. c'est une crème oui. ce mec. Là, s'il nous écoute, ben, on lui fait un petit coucou, hein, Fernando. Hola, Fernando. Et c'est Cull of Ebon, donc, qu'on vient de s'écouter, avec ce Dweller of the Woods. Alors, le prochain, c'est encore une nouveauté, c'est tout frais, c'est tout chaud. Le groupe s'appelle Havoc. Et on va s'écouter Dogmaniacal, c'est extrait de l'album Conformicide. Et après, on retrouvera la Sylval Song. Clear as true. You look with your eyes, but you fail to see. doesn't answer prayers. It doesn't matter to you that he's a power-tripping maniac. Cause he's got you convinced people of other faiths should be attacked. God wants you to obliterate your neighbor. If he does nothing like you, take a look at any holy book, and it's crystal clear as true. You look with your eyes, but you fail to see, because you're blinded. You're blinded, blinded by reading. Voilà, donc c'était nouveau, enfin c'était nouveau, c'est toujours nouveau, Avoc avec Dominical, avec l'album Conformicide, vraiment, vraiment pas mal du tout. Alors, on retrouve Sylval pour sa Sylval Song. Moi j'ai décidé de vous présenter un groupe Bain du Nord, et du Schnorr. Des Schnorr. Des Schnorr. Alors, c'est les Overdrivers, et là j'ai pris une sacrée claque aussi avec eux en écoutant l'album. Hum. Donc j'ai choisi le titre Rock Your Life. Alors je conseille franchement aux gens d'aller acheter cet album, donner un petit coup de pouce à ces petits jeunes qui méritent bien. Oui. Parce que franchement là, je suis tombée par terre, vraiment. Ah, elle est tombée par terre, elle est tombée de sa chaise. Ouais, voilà, carrément, là je me suis pris une sacrée claque. Donc je voudrais faire un petit rappel quand même, il y aura les Sticky Boys et Overdrivers. Le 15 mars, le biplan à Lille. Oui. Il y aura Spirit Overdrivers au Liverpool Valenciennes. Mm-hmm. Et il y aura Slicer, la tribute Metallica. Oui. Avec nos amis Head Blaster. Mmh. Et Overdriver le 22 avril à Angres, c'est dans le 62. Voilà. Mmh. Donc ben... voilà, c'est tout l'agenda concert pour les Overdrivers, on va dire. Et Head Blaster, que j'ai un petit coup de pub aussi encore. Mmh. Parce que eux aussi ils valent le coup. Franchement, si vous pouvez les voir. Là, c'est les deux claques que j'ai pris ce mois-ci. Ce mois-ci, on va dire. Ah ouais, et là, en plus. Des petits jeunes de la région, mais franchement. C'est des petits jeunes qui méritent d'être poussés un maximum. Et en plus, si vous voulez rencontrer Sylval pour discuter radio, discuter musique... Bien sûr, moi je suis... Elle je sera, à mon avis, aux trois rendez-vous, elle sera là, à mon avis. Bah, je pense que je vais aller les voir, ouais, je pense. Déjà, les Sticky Boys, ça c'est rock'n'roll aussi. Ouais. Il y aura Overdriver sur scène, parce que bon, on les a vus au Rhymefest, mais bon, on est occupés. Ouais. Oui. Donc des fois, on loupe la scène, il faut être honnête. Ouais, c'est sûr. Mmh. Donc voilà, Overdrivers. Alors là, c'est vraiment du pur rock'n'roll. Ouais. Franchement, ils sont du Nord. L'album, c'est Rockinelle. Et le titre que je vous passe, c'est Rock Your Life. Allez, c'est parti. All aboard! Yes, yes. Whoa! She's beautiful! And she looks wild! Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. Voilà. Et donc oui. C'était. Oh, donc c'était les Overdrivers, donc l'album Rocking Hell et le titre Rock Your Life. Alors qu'est-ce que t'en penses franchement? Pas mal du tout, ben encore. Bah, c'est du bon Overdriver. C'est du bon Overdriver, oui. Ben j'ai pas tellement apprécié, franchement. Comme tu disais, au Rammfest, on était occupé avec des entre avec deux groupes. Hein. D'autres, ouais, c'est ça, d'autres groupes, ouais, en interview. Donc, et puis ils ont joué sur la petite scène, si mes souvenirs sont bons. Et alors moi j'avais un mot de tête pas possible ce jour-là. Je suppose que tu t'en souviens. Tout à fait. Oui. Ouais, et c'est... Ça m'est arrivé juste après une Glorious. Je sais pas pourquoi, elle m'a donné mal à la tête. Peut-être, je ne sais pas. C'est la chaleur aussi. Il faisait, j'en sais rien, faisait chaud. Il faisait chaud pour une fois. Mmh. Voilà. Oui. Et on était. Il n'y avait pas beaucoup de coin d'ombre quand même. Il y avait quand même. Toutes les tables étaient prises. Bah ouais, ça m'est juste arrivé juste après mon fameux groupe, là, Inglorious. Inglorious. Et hop. Mmh. Et eux jouaient après Inglorious. C'est ça. Ouais. Voilà. Et ben donc c'était ta Silver Song, donc Overdrivers, petit groupe nordiste, voilà. Super bon. Dash Nord. Enfin petit, j'espère qu'ils deviendront grands aussi. On l'espère. Oui. Ou on si l'espère. Même ils ne grandissent pas, qu'ils puissent au moins réaliser leur rêve d'ouvrir pour AC/DC, s'ils continuent à jouer, ou même Air Boone, pourquoi pas. Ah fou. Voilà. Alors le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est Blood Division, Hot and Ready. L'album s'appelle tout simplement Cardinal One. C'est pas mal non plus. Ça décoffre pas mal. Moi je peux vous le dire. We'll be right back. on peut dire que ça décoffre du brut. Oui. Et c'est tout simplement Blood Division avec Hot and Ready, du bon rock'n'roll. On a fait une émission un peu plus rock'n'roll que d'habitude aujourd'hui. Voilà, le prochain, eh ben, on peut un peu s'inspirer quand on écoute l'album. Je remercie Tonton d'ailleurs de nous l'avoir envoyé. On a un peu l'impression qu'il y a une inspiration un peu de... d'un fameux groupe anglais dont je vais d'abord vous laisser découvrir ce groupe et puis je vous en parlerai après. Vous allez dire, ah oui, ça ressemble à ce groupe là, mais je vais pas vous le dire tout de suite, vous allez vous laisser un peu chercher. On va s'écouter The Raven Age. L'album s'appelle Darkness Will Rise et on va s'écouter tout simplement The Merciful One et on se retrouve tout de suite après. Yeah. was the same. Et ben voilà, je kiffe The Raven Age avec Darkness Wild Rise, c'est le titre de l'album. Et ce qu'on s'écoutait, c'est tout simplement The Merciful One. Et comme je le disais aux antennes, maintenant je vous le dis, ça, le timbre de voix et certaines chansons font vraiment penser à The Blood from My Valentine. Franchement, je kiffe ce groupe et cet album me fait vraiment penser un petit peu à The Bullet for My Valentine. Alors, juste avant de retrouver encore une chanson de Sylvain, peut-être, qui a encore programmé une, peut-être, on va d'abord s'écouter un titre et on trouvera une de tes songs que tu nous as mis sur le côté. Je suis déjà en train de tout ranger, mes affaires. Alors, déjà tout. On va s'écouter Theory avec The Art of Evil et on se retrouve tout de suite après. Et aujourd'hui, on vous retrouverait juste après nous, les Monkey Radio Show. Voilà. Bien en forme. Bien en forme. Oh, donc juste à l'instant, c'était Theory avec That's Art of Evil Love. Voilà. Alors, il est bientôt l'heure de se quitter. Bientôt, d'ici quelques minutes, The Monkey Midnight Radio Show sera dans la place. Et nous, Sylvain, on va se quitter avec un des derniers titres. Avec une nouveauté, donc c'est Lionville avec le titre Show Me the Love. Show Me the Love. Non, ouais. Je sais pas si je chante bon, on verra bien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Pour une nouvelle émission, Rive d'Enfer. Nouvelles aventures. De nouvelles aventures. De nouvelles nouveautés. Dans le cosmos, Rive d'Enfer. Reste surtout rester bien branché sur Rive d'Enfer pour plein. De bonnes choses et beaucoup restez branchés, pardon je vais y arriver sur RQC voilà. Sur oui. RQC 95 FM tous les jours de la semaine, du soir au matin, du matin au soir, car il y a de bons programmes. Tout on vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye, ciao ciao, bye bye.